Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Chères auditrices, chers auditeurs, en direct de la Forespo du stand Arc-en-Ciel, il est presque 15h30, vous écoutez donc Arc-en-Ciel sur 96.2, Parc des Expositions, et on va donc partir un petit peu en balade, rencontrer quelques exposants, et puis là ma foi, je vais pas aller bien loin, je vais aller dans un stand, alors c'est Tipeno. E26, je vais lui tendre la sucette. Et puis, il va se présenter. Bonjour. Bonjour à toi. Voilà, par là, c'est prêt parce qu'on n'a pas le retour sinon. Alors, je vais déjà te demander ton prénom. Ah, moi, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, des rhums Tipeno. D'accord. Tipeno, j'élabore mes rhums à Saint-Jean-de-Ouray, ici à Orléans. Et donc je présente mes rhums à liqueur de rhum et qui ne ressemble pas au rhum arrangé qu'on connaît habituellement. Donc tous mes fruits sont cuits et soit cuits, infusés ou déshydratés. Qui permet de faire mes liqueurs de rhum. La base de mes rhums, c'est le HSE, le rhum HSE, le rhum agricole. Et le sucre utilisé, c'est le sucre, le sirop batterie, c'est la mélasse du sucre de canne. Voilà, parce que je vois que tout a commencé avec toi, Jean-Luc, pour ta passion pour le rhum. Tu es fasciné par ses arômes et ses possibilités infini, oui. Et tu t'es lancé dans l'art de la transformation en créant des liqueurs au goût varié, fruits, agrumes, saveurs, puces. Oui, je travaille en tant que fruits et légumes aussi. Hein, donc là, j'ai actuellement sur le stand de la rhum. Voilà. J'ai actuellement sur le stand de la citrouille, de l'artichaut et de la truffe. Ouais. D'accord. Pas pendant l'émission. Hein. Et donc pour le salon aussi, j'ai créé. C'était parti d'à Paris, hein, à la Pincelle des Natas. Qui a fait succès, bien sûr. Donc aussi pour le salon, l'orange cannelle. Et donc voilà. Donc c'est. Et j'élabore aussi un rhum que je fais vieillir en fût, le fût de cognac. D'accord. Ouais. Et qui a 9 mois de vieillissement. J'avais présenté la première version au salon de la gastro. Attention, c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même chose. On suit pas l'astra jaune. Et donc, qui est élaboré à base de ma signature de ce rhum, c'est le bois bandé, voilà. Donc, la graine de cola et la feuille de bois d'inde. Alors, je vois parmi tes boissons là, qui me paraissent toutes aussi bonnes et succulentes les unes que les autres, que tu t'en fais une à la truffe. Oui, la truffe, oui. Alors, la truffe, c'est vrai que c'est assez spécial. Hein, c'est connaisseur, faut être connaisseur. Par exemple, on s'en sert aussi pour cuisiner. Bien sûr. Mes petites omelettes le matin. Il y a des gens qui me prennent pour une truffe aussi. Ça arrive. La plupart aussi de mes rhums, comme la crème de rhum, on peut s'en servir aussi pour les crêpes, pour parfumer à la crêpe. Les meilleures ventes actuellement, ça va être la pistache. La pistache, là, c'est très, très, très, très fort en goût. Mais faut savoir que on parle liqueur, on parle sucre, très sucré, très liquoreux. Et Il y a de la couleur, il y a de l'arôme, il y a vraiment ce qu'il faut. Alors, tu es situé à la foire. Alors, le point de repère pour nous, c'est la grosse poutre en haut où je vois Alors on va parler en version normale, on va pas dire Zulu Fox, hein, on va pas dire ZF04, ça c'est la grosse poutre qui se situe juste au-dessus de l'entrée de la visite de l'exposition sur le Portugal. Et on est juste à côté de Destination Orléans-Val-de-Loire. Voilà le syndicat d'initiative. Donc Jean-Luc, cette passion, elle t'a pris quand, comment, à quel âge? Parce que je sais que tu as une autre vie avant. Oui, j'avais une autre vie avant, oui, donc comme certains. Donc oui, ma passion est venue voilà, dans des petites soirées avec des dégustations, comme on fait, pour la plupart on commençait avec le rhum arrangé. Et donc ces boissons étaient un petit peu trop fortes et pas assez de goût, ce qui m'a donné envie de cuisiner et d'élaborer, faire mon petit laboratoire. Voilà. Donc tu as des contenants de combien de centilitres? Non, j'ai des bouteilles pour tous les contenants, j'ai des coffrets découvertes avec des petites bouteilles de... Oui, on va aller voir ça un petit peu de plus près. Alors donc c'est joli ça, ouais, avec les petites mignonnettes là, c'est super sympa. Voilà, des 10 millilitres avec donc vous avez le coffret avec plusieurs saveurs, bon le top 10, hein, on va dire la pistache, le coco il y a les petits verres qui vont avec. Ça fait le ce petit coffret apéro, mais c'est un très beau cadeau à offrir. Tu te trouves où? Est-ce que tu as un stand à Saint-Jean-de-Bray? Est-ce que tu as quelque chose? Alors non, j'ai que mon laboratoire à Saint-Jean-de-Bray. J'ai pas mal laboratoire. Voilà, j'ai pas mal de distributeurs à Orléans. Donc la galerie marchande de Leclerc à Chessy, le magasin La Grègue, le bar, le Morito Bar à Orléans. Et donc qui distribue aussi mes alcools et qui vend mes alcools. Et donc voilà, donc et puis bon, pas mal de bars à Orléans, la cabane. Donc les rhums, tu les fais venir directement de là-bas? Alors oui, mon rhum, je me le fais livrer en vrac, bien sûr. C'est quand la livraison que je viens de faire? Parce que tu fais pas ça en bouteille, tu fais ça en... Voilà, donc après, j'ai juste à faire mon assemblage une fois que j'ai fait ma cuisine. D'accord, c'est du rhum blanc en général? Oui, c'est du rhum blanc en général. Tu fais pas de rhum en brun? Oui, ça va dépendre des recettes, et oui, j'élabore... Ah ouais, là je vois le sucre... Sirop de batterie. C'est de la mélasse de sucre de canne. D'accord. Qui, plus il est dilué, il sera moins sucré ou sucré, suivant le goût que je vais apporter à mon rhum. Voilà, ok. Écoutez, chers auditeurs et auditrices d'Arc-en-Ciel, donc toujours en direct, hein, nous sommes au E26, juste à côté, c'est pas loin de la... c'est pas loin de la brasserie, je veux dire, oui, il est juste en face de la brasserie des Carmites, mais c'est pas loin de la radio. Et on va revenir voir Jean-Luc d'ici la fin de la semaine, bien évidemment. Hein? J'espère. Là, aujourd'hui, il est tout seul à son stand, donc il peut pas se déplacer. Si tu ne peux pas venir à Didier, c'est Didier qui vient à toi. Eh ben, merci. En tant que voltigeur. Mais sinon, voilà, tu viendras nous voir tout à l'heure à la radio ou demain. D'accord. On va repasser un petit flash. Voilà, si j'ai oublié des choses, il faudra nous le dire. L'envoyer sur, hein, voilà. Et puis, je dis bonne foire. Voilà. OK. À défaut de Rome, on va reprendre le micro. Allez, je te dis merci et au plaisir. Au revoir, Jean-Luc. Au plaisir. je chante ses vers, prêt à chaque fois. C'est comme si j'allais vous serrer dans mes bras. Et je n'ai dit jour à l'heure, d'ici d'ailleurs de n'importe où. Je vous aime toutes, partout sur ma route, mon cœur bat pour vous. C'est mon temps d'aveu, mon rêve infini. Je veux vous aimer tout à la folie. Et je n'ai rien dit, jour I love you. D'ici d'ailleurs de n'importe où. Je vous aime toutes, partout sur ma route. Mon cœur bat pour vous. C'est mon temps d'aveu, mon rêve infini. Je veux vous aimer tout à la folie. Je veux vous aimer tout et pour la vie. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Oh les loulous, regardez, il y a une nouvelle danse de l'été. Quoi ? Ouais, regardez. Ça vous dit, on l'a fait ? Ouais, c'est cool. Allez. Yeah. revois souvent son sourire qui s'illumine comme un soleil quand il appelle au milieu de la nuit, quand ses pleurs me réveillent. Si tu voyais ce que ses yeux me disent, ce regard bleu qui s'éclaire. Dans les yeux de mon fils, il y a comme un arc-en-ciel. Les larmes après la pluie sèchent avec le soleil. Dans les yeux de mon fils, c'est comme une étincelle. Un peu comme si la vie devait être éternelle. Dans chaque instant, un souvenir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tomates, bocu, tomates, bocu. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. just getting started. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Il est 16h, on va pas tarder de repartir un petit peu en voyage. Ça, c'est pas bon, par contre. On va repartir en voyage, alors je vais juste prendre les cars qui sont à côté de nous. Et puis, je vais traverser la frontière et je vais aller du Portugal, là, je vais passer en Italie dans quelques petites secondes, le temps de mettre le casque. Bah oui, parce qu'il vaut mieux mettre le casque. Hein. Voilà, ben on est parti. Et je vais aller voir du côté de l'Italie ce qui se passe. Ah ben, il a des clients. Il est en train de faire goûter, ben, ça tombe bien. En attendant, je vais le laisser un petit peu travailler, quand tu veux. Voilà, on est donc au stand de... Chez Giovanni. Et ça le dit tout seul, c'est marqué dessus, chez Giovanni, avec un I à la fin. Et c'est le spécialiste du macaron. Voilà, sans gluten, sans lactose. Eh bien, je vais lui tendre un micro. Adieu. Giovanni, tu peux prendre la sucette si tu veux. Oh, voilà. C'est gentil ça. Eh bien, Giovanni, bonjour. Donc, Didier, bonjour. Radio Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2. On est voisins. J'ai juste traversé la frontière. J'ai pas eu de problème à la douane. Et je viens d'atterrir chez toi, donc, sur le stand. Donc, Giovanni, bonjour. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Si. Si. Ouais, tu vois, ça y est, je connais l'italien. J'apprends le portugais, j'apprends l'italien et. Et bientôt, je vais savoir faire des mungas aussi. Eh bien, c'est tout l'anglouche. Voilà. Eh bien, écoute, tiens le micro près de toi, puis tu vas te présenter. Tu vas dire un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens. Voilà, on fabrique des amaretti, un petit biscuit italien, sans gluten, sans lactose. C'est prêt, voilà. Qu'on fabrique sur place. Il y a 10 parfums différents. 10 parfums différents. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme parfum? On a de l'amande, on a du citron, du caramel beurre salé, du poire chocolat, menthe chocolat, rhum raisin, pour ceux qui aiment l'apéro. Pistache. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment l'apéro. Ah oh, si, beaucoup, beaucoup, Orléans. Il y a Nutella, crème de Kinder Bueno, noix de coco. Que des choses qui sont pas tellement bonnes. Cacahuète, caramel, chocolat. Voilà, puis je vois aussi que tu fais de la pâte de fruits, c'est ça? On a de la pâte de fruits artisanale. Ouais, alors c'est un petit peu juste après. Alors, tu viens d'où? De Royan, Charente-Maritime. Ah ouais, c'est un Italien. Un client qui revient. C'est un Italien de Charente-Maritime. C'est ça. Voilà, il est venu, il est goûté. Vous êtes déjà venu, monsieur, dans ce stand? Non, il arrive juste à le micro. Bonjour, merci beaucoup de me tendre le micro. Je suis Marseillais de naissance et je suis très contente de voir des... Il y a le cousin Jules. Sur le nougat. Merci beaucoup. Je suis très contente de voir à la foire d'Orléans, édition 2026, spéciale Portugal, en l'honneur au Portugal, au pays européen du Portugal, du sud de l'Europe, des étalages de nougat et de fruits confits. On peut trouver aussi des calissons d'Aix-en-Provence, d'excellentes spécialités, préparées avec amour et passion. Donc moi j'adore. Alors votre prénom c'est comment? Alors, moi je m'appelle Stéphane. Stéphane, encore un Stéphane, mais il y a plein de Stéphane. Je suis marseillais de naissance, comme ma maman qui est marseillaise de naissance, comme mes grands-parents maternels qui sont marseillaises et marseillais. Moi c'est un vrai marseillais, allez, droit au but, vas-y, droit au but. Et je trouve que la ville d'Orléans s'est bien améliorée et je suis extrêmement content qu'il y ait une foire désormais, qu'il y ait une deuxième édition sur la ville d'Orléans, de la foire d'Orléans, après l'année dernière consacrée au Japon. Voilà. Et je suis très content de pouvoir découvrir les spécialités portugaises. Alors là, ce qui est sympa, c'est que j'ai pris un assistant, c'est le nougat de Provence, Enzo, qui est content de faire mon assistant, il lui tient le micro, mais vas-y, je te laisse parler. Je découvre les spécialités portugaises parce que je ne les connais pas bien, je les méconnais. Et il faut que tu ailles en face là-bas. Va goûter en face. Vous êtes de radio. Radio Arc-en-Ciel, c'est marqué dessus, regarde. Tu vois, c'est en direct. Hein. Tu es en direct là. Voilà, on a des jeunes de Marseille et on a les filles qui viennent nous rejoindre. Bonjour mesdames. Alors, quel est votre prénom? Annabella. Il me semble qu'on se connaît. Et Jessie. Eh bien écoutez, ma technicienne et l'assistante sont là. Donc c'est parfait. Elles sont venues goûter. Giovanni, je m'en vais si tu veux. La station, s'il vous plaît, pour écouter la radio. Radio Arc-en-Ciel, les 96.2. C'est gentil. Voilà. C'est une radio récente. Non, elle a 30 ans. Elle est plus vieille que moi, presque. 41, pardon. Alors, je vous en prie, Stéphane, avec grand plaisir. Je rajoute quelque chose. On m'entend toujours. Eh bien, je félicite la droite orléanaise pour son excellent score au deuxième tour des élections municipales 2026. Voilà. Ah, bah voilà, bah, si ça c'est dit, c'est dit. C'est merveilleux. Il n'y a pas de soja dedans. Non. Alors, sans gluten, sans lactose. Ça nous vient donc Giovanni, il vient de Charente, mais c'est un Italien, c'est un vrai. Hein. Et là, donc, on est avec les. Alors là, je suis, parce qu'il est de l'action qui est arrivée. Alors, on voit du fruit de la passion, on voit des raisins, il y a de la mangue, il y a la fruit au choix. Non, ça, c'est pas un fruit, c'est un petit peu tout. Du melon, du kiwi, de la fraise, du citron, des cranberries, ah là là, mais de l'ananas, des abricots, amaretti et fruits au choix, papaye, gingembre. Comment ça s'appelle le gâteau? Les amaretti. Voilà, amaretti. Alors, caramel et chocolat, et c'est excellent. Et je vous invite à venir en nombre chez Giovanni. Voilà. Chez Giovanni, voilà, évidemment. Bah écoute, Giovanni, je te remercie de ton accueil. On se reverra un petit peu plus tard. Hein, au plaisir. Et voilà. Vive les Orléanaises, vive la Loire, vive Orléans, vive la forêt d'Orléans, vive les Orléanais et vive l'ancienne région géographique, l'ancienne province de l'Orléanais. Voilà. Et la Loire arc-en-ciel, non, bon, bah, tant pis, allez.

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. He's just a whisper, the crowd so loud, a fleeting shadow. In a bustling shroud, I reach to touch him, but he fades away. A dream that lingers at the break of day. He's just a whisper, a ghost in the night, a fleeting vision. Gone. Eh bien, on est parti, j'ai fait donc. Le plein du jet, je viens de partir de l'Italie, là. J'ai fait un petit peu de plein de kérosène. Je repasse vite fait en survol devant Arc-en-Ciel, 96.2. Et puis, on va se diriger, on va prendre cap direction sur la Corse. Voilà. Et j'avais vu tout à l'heure quelque chose qui était écrit, là. Alors, quand on arrive en Corse, on voit tout de suite la chose, hein. 10 heures. Une maison vient d'être squattée dans le village de Corse. 10h01, fin du squat. Ça veut tout dire. Je vous en prie. J'ai le stand de Vérissure. Je ne pourrais pas vous dire, mais ça va être dans ces stands-là, mais je ne suis pas animateur, je suis au niveau de la radio. Voilà, et ben on va attendre la sucette à l'ancien. Et non, attends, la sucette à l'ancien, c'est voilà. 1-2. 1-2, ça marche. Mais je veux dire, vu le gabarit et vu le gaillard, je reste de l'autre côté, moi. Bonjour à vous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ce soir, pour la première fois dans votre village, une démonstration exceptionnelle. Oui. Eh bien oui, vous regardez pour la première fois, le grand John Botour est de retour avec ses animaux sauvages. Ses animaux ou ses animaux ? On dit des animaux, monsieur, quand il y en a un par un. Ah d'accord. Quand ils sont en troupeau, on dit des animaux. D'accord. Alors on vient de Corse. On vient de la vallée de Castanets et on a ramené tous les produits qui se font chez nous. Alors, parlez-moi-en un petit peu plus précisément. Alors, c'est-à-dire qu'on a la Coppa Corse. La Coppa Corse, c'est une coppe qui ressemble un peu à la Coppa italienne, mais qui est fabriquée avec des cochons noirs. Et qui est bien meilleure. Alors, cette année, on a ramené de la fumée et on a ramené aussi de la non-fumée pour les gens qui n'aiment pas trop quand c'est... Fort. Après, on a ramené de la figatelle. Alors, deux figatelles, c'est-à-dire une à manger comme ça, sec, pour l'apéro, et une autre qu'on repasse à la braise. D'accord. Ça, c'est de la saucisse séchée. Non, c'est la figatelle. Ça va. C'est ce d'accord. que j'étais en train de... D'accord. Bah ouais, mais c'est pas marqué dessus. Mais oui, mais je vais marquer dessus. Voilà, bah ouais, mais voilà, j'ai pas l'étiquette. Les gens, ils comprennent pas. Voilà. Allez, c'est la saucisse de foie, mais moi, je connais la saucisse de foie aussi. Mais oui, en Ariège. Dans l'Ariège. Voilà, ah bah oui, parce que j'ai quelques attenants là où en Ariège, je la connais très bien. Alors après, on a du saucisson de sanglier. Oui. Qui est fait avec le boyau naturel. Avec du sanglier. Du sanglier, oui. Après, on a du lonzo. Lonzo, alors c'est quoi ça? Il faut tout me dire. Ça, c'est du filet mignon de coche. D'accord. Alors une coche, c'est une truille qui a eu une dizaine de portées. Ah oui, quand même. Donc c'est plus vieille et plus tendre. Voilà. Ça, voilà. Ensuite, on a ramené la pancetta, bien sûr. C'est-à-dire que ce que les Auvergnats appellent la ventrèche aussi. D'accord. Après, on a ramené du jambon de cochon noir. Oh là là là là. On a ramené du jambon de coche. Ce sont des jambons qui font entre 15 et 20 kilos. Moi, je vous dis que ça. Hein. Je suis donc au stand de Corse. On a des jambons de sanglier et de la noix de jambon de sanglier sauvage. D'accord. Là, vous, c'est que des produits Corse, made in Corse. C'est pas bien, c'est pas... Alors c'est du sud ou du nord de la Corse? Nous on est dans la vallée de Castanets, on est à 40 km de Bastia. Donc moi je situe Bastia en haut et Ajaccio. Ajaccio de l'autre côté. D'accord. En fait on est à 40, une quarantaine de kilomètres de Bastia dans la vallée de Castanets, en français la vallée des châtaignes. D'accord, oui, la castagne comme on dit castagne, ça voilà. C'est le soir où oui, c'est tout le monde. C'est le soir quand on a trop abusé de vin corse, voilà. Et de saucisses en Corse. Mais moi je peux vous dire qu'une chose, c'est que je suis donc au niveau du stand. Alors je sais pas dans quelle allée on est là. Mais en fait, ils sont en l'angle, ils sont dans l'angle. Voilà. Voilà, on n'est pas loin du hall 3, sur la droite, pas trop loin du stand de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on les entend parce que je sais que de temps en temps, ils poussent la chansonnette. Ça arrive, ça oui. Ça arrive. D'ailleurs, j'ai pas entendu ta voix tout à l'heure. Mais parce que j'en ai pas de voix, j'ai presque pas de voix. D'accord, il a pas de voix. Il a pas de voix. Mais enfin, il est très très très très sympathique. Et je peux vous dire que c'est. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit vin. On va pas faire le programme de l'alcool. Mais Maison Bianca. Ça, c'est le rosé. Le rosé, indication géographique protégée, récolté et vinifié à la propriété. Produit de France, voilà, avec la carte Corse. Donc, bien évidemment. Alors, bien sûr, la Maison Bianca 2023, Île de Beauté. Alors, un petit rosé comme ça, bien frais, avec un petit jambon. Celui-là. Celui-là, ouais, mais ça, c'est pas un petit, c'est un entier. Jambon de coche. Voilà, bien taillé, finement. Pour l'apéro. Pour l'apéro, bien évidemment. Mais vous tenez le poteau, c'est ça? Oui, je tiens le poteau. Voilà, et vous êtes hein? Vous êtes? Vous êtes votre prénom? Je suis, nous sommes, et vous êtes? Voilà, vous êtes qui? Je suis. C'est la mascotte. C'est la mascotte. Vous n'êtes pas de Corse? Si. Si aussi? Ah, c'est son papou. Enfin, attention, je. Et son papou. Aïe, aïe, aïe, alors je veux pas trop lui faire les yeux doux, hein. Il y a papa en face. Elle est mineure surtout. Voilà, ouais, en plus, donc raison de plus. Puis de toute façon, moi je suis marié, donc il n'y a pas de souci. Et oui, puis, madame, elle écoute, donc. Bonjour madame. Elle n'est pas là. Voilà, et bien écoute, tonton, merci, c'est comment ton prénom? Parce que j'ai eu le. Ah, c'est Enzo et lui c'est Philippe. Encore un Enzo? Bien oui. Dans les Nougats, il y a du Enzo, en Corse, il y a du Enzo. Marc, tu me diras. Avec le prénom qui a, c'est un peu italien. Ouais, c'est fait italien, Corse, tout ça. Ferrari, mais j'en ai pas de Ferrari. Voilà, c'est la. Pas encore. Mais voilà, c'est la Corse, ça se touche, hein, c'est pas loin. Ah, les Corses, c'est des coupés siciliens, souvent. Voilà, c'est pour ça que je me méfie quand même, parce que les Corses. On est gentils. Ah, mais non, mais je sais bien, mais bon, il faut pas vous embêter, parce que moi, j'ai vu que tu viens squatter à 10h, à 10h01. Ah oui, la fameuse phrase. Voilà, eh bien écoute, on te remercie d'avoir présenté tes produits. Alors n'oubliez pas de les venir les voir au stand, bien sûr, spécialité Corse, Foire Expo 2026, spécial Portugal. Ils sont pas trop loin du stand de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, ben Enzo, je te remercie. Je vais récupérer mon micro. Non, je le garde, au revoir. Ah ouais, bah, oui. On a perdu un micro. Tu pourras pas en faire grand-chose tout seul, hein, dès qu'il n'y a plus de piles. Hein. Voilà, oui, ça se revend. Ouais, mais si t'as pas l'émetteur avec, voilà. Eh bien, merci bien la Corse, à tout à l'heure, je vais repartir. Bye bye.

Pour dépasser la mort, j'aime sentir la vie cogner dans ma poitrine quand je suis en vitrine. J'aimerais décoller encore avant qu'on change de décor, avant de passer à la caisse, avant de glisser sous la presse. Bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Chanter jusqu'au bout de mon souffle, jouer sur les larmes et le soufre. Avant de mourir, bats-toi, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Se lève la rue. Je t'aime, je t'avais reconnu. Je sais, tout est dans le regard. L'amour, la folie, le cafard. Tu ressembles à un ange sur les rives de la nuit et ma musique. Qu'un métis qui provoque à la transe. Je plonge et je m'élance au fond des précipices. Va jusqu'au bout de ta folie, deviens célèbre ou banni. Fais-toi descendre ou fleurir, pars-toi avant de mourir. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Everybody get up. If you can hear what I'm trying to say, if you can read from the same page. Get down, get up, do it like I heard, what you don't like work. Shake your bum, get down, get up, do it like I heard, what you don't like work.

Ben voilà, on est toujours en direct au Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. On parle des expositions. Ben après avoir fait l'Italie, la Corse, là je suis revenu un petit peu en escale sur le stand. Et puis ma foi, ben je vais partir voilà, carrément en balade. Je vais aller tester le champagne là-bas. Alors le champagne, il se situe vers la grande allée, à gauche de l'allée 3, hall 3. Et puis on va aller voir ces dames au champagne, on viendra voir après, un petit peu plus tard. Je vais simplement demander si ça passe là-bas, il faudrait que j'ai un témoin qui me demande si... Et puis on va venir voir ces dames au champagne, bonjour mesdames. Radio Arc-en-Ciel, 96.2 Orléans, on vient vous rendre une petite visite. Voilà, on va même vous tendre le micro, parce que je vois que vous êtes débordé par la clientèle. Donc je vais passer entre deux clients pour... excusez-moi, monsieur, dame. Je vais passer entre deux clients pour faire un petit peu la présentation. Ben voilà, je vais vous laisser vous présenter. Vous venez donc de la région de Champagne. Voilà, nous venons d'Épernay. Épernay, sans Champagne, c'est Épernay. Non, tout à fait, c'est la capitale. Eh ben oui, il me semble bien. Voilà, ben je vous laisse un petit peu vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites. Enfin, ce que vous faites, on le sait. Ben voilà, nous sommes une très vieille famille de Champenois. La maison Bergère Martin a été créée en 1848. Ah oui, donc vous ne le faites pas, hein, tout l'âge que vous avez. Merci, c'est gentil, c'est ce qu'on me dit tous les jours. Voilà, et donc nous avons nous travaillons sur 62 hectares de champagne. Nous avons des terrains sur Avize, les Mélis sur Auger. Donc on est en appellation Grand Cru. Que dire de plus Tout ce que vous voulez sur la fabrication du champagne. Alors, moi, je ne m'occupe pas de la fabrication du champagne. Du commerce. Voilà, moi, je m'occupe plutôt du commerce. Ce que je peux dire, c'est que toutes nos bouteilles ont minimum 36 mois d'élevage. 36 mois. 36 mois d'élevage avant d'être commercialisé. On appelle ça de l'élevage. Oui. Comme dans les animaux, quoi. Voilà, c'est-à-dire du moment où on le vendange au jour où on le commercialise, normalement il y a 36 mois d'élevage. D'accord. Voilà, donc. Et c'est issu de quel raisin ? Alors nous travaillons sur le chardonnay, d'accord. Le pinot noir et le meunier. Alors, chardonnay. Pinot noir. Pinot noir et le pinot meunier. D'accord. Voilà, donc on travaille sur ces trois cépages. Voilà, et vous travaillez spécialement en France, vous exportez un petit peu, vous travaillez avec l'étranger. Oui, beaucoup à l'étranger aussi. Voilà. Et éventuellement, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Vous avez éventuellement peut-être un site internet ? Vous avez Oui, on a un site internet, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais essayer de prendre une adresse quelque part, si je trouve le... Ah ça, ce sont les tarifs, hein. Je ne vais pas vous les donner en fréquence, hein. Mais bon, on va même trouver une petite adresse. Oui, sans problème. Voilà, donc les champagnes Bergère, c'est presque mon nom de famille, mais c'est pas loin. Martin aussi. Voilà, voilà Bergère, donc Martin. Nous avons la propriété, nous sommes basés à Ferbriange. Alors pour situer Ferbriange, ça se trouve entre Cézanne et Épernay. Alors, ceux qui connaissent un petit peu, on n'est pas loin de Congy, d'Étoges, de Champaubert. Voilà, vous êtes ouvert toute l'année pour la dégustation. On est ouvert, oui. Et on fait même des visites de vignes. Faites des visites de vignes. Voilà. Vous travaillez un petit peu les gens quand ils viennent à couper les sarments, tout ça. Non. Il y a le personnel. Ça à quelle époque, ça, un petit peu? Vous connaissez un petit peu? Ça y est, on a taillé. Ça y est, c'est taillé. Bah oui, là. Oui, on a taillé. Voilà. Non, ça y est, on a taillé là maintenant. Là, on est en train de faire de l'arrachage. D'accord. Ah oui, vous êtes obligé aussi, comme dans le Bordelais, d'arracher. Non, c'est spécifique. Parce qu'elles sont très très vieilles. D'accord. Ouais. Donc là, on vient d'arracher une vigne. Donc on va la laisser tranquille toute une année. Oui, il faut qu'elle se repose. Voilà, hein. Pour que le terrain se repose et on va replanter et elles donneront dans... 10 ans. Non, mais on va commencer à récupérer quelques grès d'ici 5 ans. 5 ans. Oui, d'accord. Donc ça fait du temps à attendre. Plus après 36 mois d'élevage, vous faites le calcul. Eh oui, ça. Donc, Et entre-temps, il faut faire rentrer un petit peu de liquide, si je puis m'exprimer ainsi. Exactement, pour faire dans tous les sens du terme. Voilà. Ah, c'est parfait. Bah, écoutez, vous êtes donc bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel. 96.2, Fort d'Orléans, c'est la première année, vous êtes là, vous êtes déjà venu? Oh non, ça fait 25 ans que je suis à la Fort d'Orléans. Mais vous avez un petit accent, non? Oui, moi je suis de la Dordogne. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me sifflait dans le casque, parce que moi je suis du 33, donc voilà, le 24, le 33. Vous êtes de Bordeaux? Enfin, moi je suis d'origine bordelaise, oui. Ah, d'accord. Mais j'aime le champagne aussi, hein, vous inquiétez pas, après un bon Bordeaux, ou soit un apéritif, ou soit avec modération, bien sûr. Un bon Médoc. Un bon Médoc. C'est mignon. Il y en a beaucoup des vins dans le Bordelais aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour ça que j'avais quelques connaissances un petit peu. Mais bon, c'est vrai que sur le Bordelais, ils arrachaient énormément. Ah, oui, là ça fait mal en ce moment-là. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal, il y en a beaucoup qui. Au sens propre, au sens figuré, qui pleure, parce que ça a un crève-cœur pour le. Malheureusement. Voilà. C'est pour ça, quand vous m'avez parlé d'arrachage, je pensais que c'était aussi dans la même lignée. Nous, c'est pour replanter. Pour revigorer la vigne. Parce que les vignes, elles durent combien d'années à peu près? Ah, mais il y a des endroits où on a des cépages qui ont 100 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Mais voilà, bon, ça va faire un vin. Voilà, c'est une sélection bien spéciale, ça, je présume. Voilà, exactement. Il n'y a pas beaucoup d'hectolitres, mais alors ceux qu'on a, ils sont. Ça sera du bon. Voilà. Ça sera des bonnes choses. Voilà. Et je pense que ça, on plantera surtout du chardonnay. D'accord. Ouais. C'est ce qui passe le mieux là-bas. C'est quoi comme sol chez nous, c'est crayeux. D'accord. C'est beaucoup de craie. D'accord. Donc au niveau des racines, elles arrivent quand même à descendre. Tandis que dans Bordelais, les terres d'alluvion, tout ça, c'est quand même à cause, mais elles vont assez. Voilà, elles partent sur les côtés. Ouais, c'est pour ça que le vin et tout ça prend un petit peu le goût, quand on dit ça a un goût de ça ou que c'est un goût de ça. Oui, un goût de terroir. Un goût de terroir, bien sûr. Ça ne rentre pas. Hein. On est un petit peu d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pas eu votre prénom au début. Alors, je m'appelle Brigitte. Brigitte, eh bien, pourquoi il faut... Voilà, Brigitte, et puis... Claudine. Ah oui, Claudine, elle surveille. Hein, elle surveille Brigitte pour voir si elle dit pas de bêtises. C'est laquelle la plus des deux férues, la plus connaisseuse, c'est Brigitte. Hein, voilà, qui connaît bien, voilà. Ça fait plus longtemps. D'accord, plus longtemps. Ça fait quelques années de plus. Eh bien, écoutez, moi, je vois les très bonnes bouteilles, la très belle bouteille, ça donne envie, mais bon. Il est très bon et les gens peuvent venir le déguster sans obligation. À la foire, donc, on est au niveau du hall 3 et on est SF32. Fox 32, voilà, sur la gauche par rapport à l'entrée, carrément vers le bout, vers l'expo du Portugal. Brigitte et Odile, on vous remercie. On repassera d'ici la fin de la semaine pour vous faire un petit coucou. Avec plaisir. Hein, voilà, je vais récupérer ma flûte. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Chercher cette si belle lumière, elle m'a trouvé dans je ne sais quel mystère. Ton visage s'est glissé dans mes pensées et sans un mot en captivité, je me suis livrée. Je réalise d'être attiré vers toi sans défense, de t'attendre sans armure en tous les sens. Si tu juges mon cœur devenu passionné, je plaide coupable aujourd'hui. Thank you.

La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Canso o olhar e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa na cambeira. chegava ao ser dia. Quero valentinho, olha, olha, quero valentinho, olha, meu bem. Voilà, on est parti de la Champagne d'Épernay. Alors on a été cet après-midi se balader un petit peu en Italie, on a été un petit peu du côté de la Réunion, voilà, goûter du rhum, faire déguster du rhum en Corse, la Champagne, et puis bah là j'ai fait carrément un grand vol. J'ai été directement au Japon. J'ai trouvé un Japonais à Orléans. Voilà, donc nous sommes au parc des expositions, nous sommes en compagnie de, si tu peux te présenter. De Sébastien. Sébastien, voilà, donc Sébastien, tu es un spécialiste des produits japonais. Ben voilà, je vais te laisser, alors c'est Danbori House, tu peux nous... Oui, donc en fait, nous chez Danbori House, on est spécialisé dans les plats japonais, plus particulièrement le Danbori. Donc le donburi, qu'est-ce que c'est? Donc don, ça veut dire bol initialement en japonais, et donburi, donc c'est le plat familial traditionnel japonais qui est un bol de riz et qu'on agrémente avec divers plats mijotés, frits, notamment comme le gyudon qui est un bœuf mijoté un peu comme notre bœuf bourguignon, avec des oignons, du saké, du soja, et ça vient accompagner à chaque fois le riz. D'accord. Donc toi, Sébastien, tu connais bien les produits japonais. Est-ce que tu as déjà été au Japon? Oui, j'ai eu cette chance. Hein, j'ai eu cette chance d'aller plusieurs fois au Japon. Donc, plusieurs fois, t'as eu plusieurs fois la chance alors. T'as vraiment la chance. C'est plusieurs. T'as été quel côté dans le Japon? Parce que je sais pas, je connais, j'y ai pas été, mais j'ai de la famille là-bas, je le cache pas. Et voilà, il y a un petit décalage de 9h avec nous. Hein, faut pas l'oublier. Donc il est 9h plus tôt, 9h plus tard, je sais plus. Mais il y a 9h décalage. Donc on va repartir un petit peu sur ton stand. Tu es situé dans la foire, un petit peu à côté, pas trop loin de Radio Arc-en-Ciel. C'est ça, on est au stand G13, donc on n'est pas trop loin de la radio Arc-en-Ciel. Voilà. On a le plaisir d'accueillir de temps en temps. Voilà, ben voilà, moi je t'ai chopé au vol là au passage. J'ai dit, tiens, un japonais qui passe, il n'a pas les yeux bridés, mais au moins on va pouvoir discuter parce qu'il parle français. Et moi je ne parle pas japonais. Je ne parle pas non plus le portugais. Hein. Alors voilà, ben, tu présentes un petit peu ce que tu fais en produit. Je sais que tu as une limonade aussi, j'ai vu ça. Oui, on a une limonade au yuzu, donc avec du yuzu 100% pressé qui vient du Japon. On a fait un partenariat avec la brasserie du Four à Briques qui nous brasse cette limonade avec nos produits. D'accord. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de la déguster hier. Elle manquait un petit peu de bulles quand je l'ai, parce que je venais de l'installer. On va pas le cacher. Mais voilà, c'est vrai que ça... Moi, j'ai testé, c'est un citron, c'est du citron, c'est un... Oui, le yuzu est un citron japonais, un tout petit citron qui a la particularité d'avoir un énorme potentiel au niveau du goût citron. Ah ouais, c'est vraiment citronné. Et pas d'acidité. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, allez, parle-nous un petit peu de tes plats, comment tu cuisines, ce que tu fais. Déjà, comment as-tu appris la cuisine? Pourquoi déjà la cuisine japonaise? Et ton cursus, un petit peu, ce qui t'a amené à cuisiner le Japon. Je pense qu'on ne vient pas comme ça cuisinier du Japon en 3 francs 6 sous. Non, bon, on devient cuisinier surtout par passion. Hein. Moi, ça vient de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Hein. On est tous. Elle était japonaise? Non, elle n'était pas japonaise, mais voilà, on a été élevé dans la culture des plats traditionnels, donc d'accord. On a essayé de reproduire ça. Et en allant au Japon, j'ai eu l'occasion de faire quelques petits ateliers culinaires et de découvrir une autre facette de la cuisine japonaise. Hein. Ce n'est pas que les sushis, les sashimi. Il y a aussi c'est énormément de plats. Ils sont un peu comme nous. Hein. Ils ont des plats mijotés, des plats en sauce, des plats préparés, des plats frits. Donc en fait, voilà, ça m'est venu comme ça et je suis revenu. Je me suis dit pourquoi pas partager ça ici en France. Mais, alors attends, 30 secondes parce que je suis en train de techniquer en même temps. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a tiré gentiment sur le câble et on n'a plus de PC. Donc tout a sauté ici au stand, mais bon, ça ne m'empêche pas de tenir avec toi le... Voilà. Pas de souci. On propose aussi des desserts, hein, des desserts japonais comme le mochi glacé avec des saveurs très japonaises, hein, comme la fleur de sakura, le yuzu. On a voulu tenter un peu le côté franco-japonais, donc des gyoza aux pommes qu'on a de caramel beurre salé, hein, mon petit côté normand d'origine. Tu vas me donner faim à la fin, parce que toi, t'as, Voilà, tu cuisines, mais tu n'as pas une formation au départ. C'était pas tout à fait ton métier. Hein. Je sais que tu étais dans la. Non, j'ai fait 20 ans de comptabilité et voilà. Et après, quand voilà, je bah là, dans les recettes, tu sais comptabiliser, mais là, c'est plus des sous, c'est plus des chiffres. C'est des chiffres, mais c'est d'autres. Quoi. C'est des chiffres sur la cuisine japonaise qui est très très exigeante en termes de quantité. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on manipule cette cuisine japonaise, il faut être très précis dans les dosages. Et donc, bah, pour mon côté un peu psychorigide de comptable, enfin, t'en un comptable. Les comptables sont psychorigides ? Un peu, oui, quand même. D'accord. Mais maintenant, on vit un peu mieux. On a aussi un excellent poulet karaage. Je ne sais pas si je te l'ai fait goûter. Mmh. Le poulet karaage, le poulet. Moi, j'ai pas encore dégusté, mais tu sais, je vais avoir le temps d'ici dimanche de me promener un petit peu à droite, à gauche. Et moi, je fais un petit peu de je vole. Enfin, quand je dis je vole. Je suis pas un voleur, je suis un voltigeur de stand en stand. Et de temps en temps, je fais du pique-assiette à droite, à gauche. Et je me nourris comme ça. D'ailleurs, ce soir, on est là. On en a bien pris un petit peu dans le ventre. Il va falloir que j'aille faire du sport après. Ah, ça sera l'occasion que tu redécouvres la limonade avec un peu plus de bulles. Voilà, ben, tout à fait. Ben, comme tu me donnes soif, là, je vais passer tout à l'heure. Demain, je ne suis pas là. Donc tu es en conversation sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Tu connaissais la Radio Arc-en-Ciel ou pas ? Non, pas. Je connaissais pas encore Radio Arc-en-Ciel, mais c'est un plaisir de la découvrir. Eh ben écoute, c'est très bien. J'aurai peut-être l'occasion de te découvrir en direct au niveau des studios à la Radio Arc-en-Ciel, qui sont donc 266 Fourbanier, qui est une radio portugaise depuis une quarantaine d'années, depuis 1981. Et voilà, elle est en radio locale associative. On travaille un petit peu avec des partenaires, on travaille un petit peu avec tout le monde et on fait connaître un petit peu toutes les choses qu'on peut découvrir sur la région d'Orléans dans différentes émissions. Et moi notamment, la Didier & Co le jeudi après-midi de 14 à 17h. Bah écoute, ça sera un plaisir de venir te rejoindre et puis on apportera un petit quelque chose à déguster en même temps. Pourquoi pas, mais on sait qu'on n'a pas le droit de manger dans les studios, on mangera dans la cafétéria après. Peut-être de boire. Pardon ? Peut-être de boire. Non, on n'a pas le droit ni de boire ni de manger dans les studios, on a du matériel qui coûte cher et voilà, on essaye on évite l'incident de parcours, donc on mange ou avant ou après, en général c'est après. Voilà, donc tu es là donc toute la semaine. Jusqu'à dimanche. Voilà, et ça se passe bien ou c'est mitigé un petit peu ? L'affluence est très mitigée, donc on a vraiment du mal à décoller et vraiment du mal à pouvoir vendre et faire déguster nos plats. Faire découvrir. Les gens, vous êtes sur la région orléanaise, vous nous écoutez sur le 96.2. Bon, sur Internet, si vous êtes un petit peu plus loin, ça va être un petit peu plus difficile. Mais si vous êtes sur la région d'Orléans, profitez-en, faites une petite balade en famille, c'est gratuit. Venez nous voir au salon de la gastronomie. Ben, n'hésitez pas d'aller. Ton stand, il se retrouve où déjà ? Tu peux me le redire ? Alors, mon stand est en G13. G13. Et si jamais vous voulez plus d'infos sur nous, pour nous connaître, nous découvrir, vous pouvez aller voir notre site internet. Ah, ben voilà ! www.dombouri-6. Voilà, on va tenter de mettre ça sur la page de Didier & Co, sur ma page Facebook. J'ai un petit peu de monde qui me suit. Et on mettra les adresses. Je prendrai ta carte tout à l'heure. Merci, c'est très gentil. Avec mon manjet, j'aimerais me poser du côté de ton stand, là-haut. Et je viendrai chercher une carte de visite. Voilà, puis là, il ne faut pas oublier qu'on a Estelle, c'est ça, c'est Estelle. Estelle, elle est. Estelle, c'est qui Estelle ? La femme du patron. Donc, c'est la patronne. Exactement. Voilà, et Estelle, elle est en train de nous filmer. Tu fais un live ou tu fais un souvenir ? Un souvenir live sur Facebook, sur Domoreus. Voilà, carrément sur la page ? Carrément. Voilà, donc bouge. Ah, il faut ce qu'il faut. Donc, et pour toi, ça va, ça se passe bien aussi, la foire ? Ça tourne toute la semaine. Ouais, dimanche, il y avait de l'affluence. Un peu plus de monde, mais venez encore nombreux. Voilà, venez déguster. Il y a des très bons plats portugais. Mais n'hésitez pas, on est à la Foire Expo, on fait deux pas à droite, deux pas à gauche, et on change de pays. On va en Corse, on va à La Réunion, on se retrouve en Italie, on se retrouve au Japon. Que demande le peuple. En plus, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, et il n'y a point à dire, pas de kilomètres à faire. Donc, écoute, Sébastien, je te remercie de cet arrêt au stand ravitaillement. Et puis, voilà, nous, on va rendre l'antenne, enfin, on va rendre du moins les micros. Ben, merci à vous, merci à Radio Arc-en-Ciel d'être passé nous voir. Avec grand plaisir, et tu n'oublieras pas, je te le ferai passer, ça sera en podcast, c'est diffusé un petit peu partout dans le monde. Donc, voilà, même au Japon. même au Japon, et je le ferai poster à ma famille là-haut, du côté du Fukuoka en bas sur l'île. Voilà. N'hésitez pas à venir nombreux à la foire et venez nous découvrir. Voilà, puis ce sont des gens super sympathiques. D'ailleurs, ils sont tous sympathiques. J'ai vu le corse tout à l'heure qui me regardait bizarrement là. Non, non, mais voilà, tout se passe bien. Ben, merci à toi, au plaisir. Merci, au revoir à tous. Voilà, c'est en direct, Didier, Radio Arc-en-Ciel. Il est 17h25 et je pense qu'on va pas tarder à rendre l'antenne. Je ne sais pas comment elle se passe au niveau des studios. Pour l'instant, on fait des tests parce qu'on est toujours bloqué par un PC qui nous fait des siennes. On est en compagnie de Nicolas, qui est depuis 35 ans. Nicolas, comment ça se passe pour toi ? Bien. Attends, j'ai pas le micro. Voilà, donc il est assez loin de moi, j'ai pas pu l'interviewer de près, mais voilà, il est content, il a passé l'après-midi avec nous, et bah, il anime deux émissions, je crois, c'est deux émissions sur Arc-en-Ciel. Hein. Trois émissions. Trois émissions. Ah ben, bah, on dit, attends, moi, j'ai déjà avec une, j'en ai plus que sur la casquette à préparer, alors trois émissions, vous m'irez ça. C'est qu'on aime. Voilà. Pardon. C'est là qu'on aime la radio, hein. Ok, et eh bien voilà, eh ben moi je vais poser le micro, je vais repartir en musique, si la personne à la technique me fait signe à la technique que c'est bon pour la musique, on peut repartir. C'est pas ce qu'on fait, voilà. Roda vira, vira e tu vais à tua vida. Mas eu sei que dia até a sorte vai virar. De Lisboa a Miranda ou a Braga, até a França eu te ia buscar. Tudo a pensar nela. Eu sei que dia a minha sorte vai virar. De Lisboa, Miranda ou Braga, até a França eu te ia buscar. Oh moça, vira, vira, que eu também quero virar. Eu vou para o meio da roda para ser o teu par. Que me dera dar um beijo na tua boca, meu pai. Para ficar a saber o gosto que o teu beijo tem. Há concertina e animação. Sobe o som, dá-se o calor. É só risadas e muito amor. E sente o piano dar o tom. E no sax, o chusse é bom. Bailando toda a noite.

Chers auditeurs, bonjour. Votre mission, si vous l'acceptez, ne plus toucher à votre poste de radio et rester branché sur Arc-en-Ciel 96.2, Orléans. L'objectif est clair. Écoutez l'univers de Didier & Co. Ne vous laissez pas distraire par les autres fréquences. Ici, nous avons les codes de la bonne humeur et les dossiers secrets de l'info. Si vous êtes distrait par l'ennui, nous n'irons avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, la musique commencera dans 5, 4, 3, 2, 1. Didier & Co, c'est maintenant. Salut, c'est Stéphane de Saran et j'écoute Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. c'est Stéphanie d'Orléans. J'écoute Didienko sur 96.2 Orléans à Arc-en-Ciel. Bonne journée. Orléans 96.2.

Message, diffusion confidentielle. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'écouter les musiciens de notre territoire. Ils répètent dans l'ombre. Ils composent, expérimentent, cherchent leur son. Ils sont là, mais trop rarement entendus et trop peu soutenus. Votre objectif, les faire sortir de l'ombre. Leur offrir des scènes, des regards, des oreilles attentives. Créer des rencontres, faire vibrer le local, amplifier ce qui existe déjà, mais que l'on n'écoute pas assez. Vous disposerez pour cela de votre curiosité, de votre exigence artistique et de votre capacité à faire circuler la musique. Sans vous, le silence s'installe. Avec vous, le territoire résonne. Ce message ne se produira pas, il se propagera. À vous de jouer. Didier Nico, Arc-en-Ciel, Orléans. 96.2 MHz. The weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Melody World. Une voix qui ne dit que ça. Elle ressemble légèrement à la regrettée Amy Winehouse. de quitter la Foire Expo et nous allons passer tout de suite direct au studio avec Manu qui va prendre la suite. Donc on vous dit à demain à partir de 14h sur la fréquence 96.2 en direct de la Foire Exposition au stand D26 Arc-en-Ciel. Allez, bonne soirée à vous toutes, à vous tous, à très bientôt. Bye bye.